Chuba Hiro. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la radio Isanganiro, dont voici les principaux titres. Le Fonds mondial a besoin de 14 milliards de dollars américains pour lutter contre le paludisme, la tuberculose et le sida à travers le monde jusqu'en 2030. L'ambassade de France au Burundi, deuxième pays contributeur à ce fonds, affirme que le Burundi a déjà bénéficié de 300 millions de dollars américains débloqués par ce fonds. Dans la rubrique des projets de parti politique, le parti libéral Abi Genga s'engage à promouvoir l'autosuffisance alimentaire au Burundi. Les femmes d'Okinawa qui évoluent en association demandent à leurs consoeurs d'intégrer des associations pour participer aux charges de ménage aux côtés de leur mari. Les détails de ce journal mis en onde par Séraphine Rakizimana, c'est dans quelques instants. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. 14 milliards de dollars américains est le montant nécessaire pour le Fonds mondial pour lutter contre les maladies telles que le paludisme, la tuberculose et le sida. L'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delarousse, l'a annoncé dans l'après-midi de ce mardi lors du lancement de la campagne baptisée « Accélérons le mouvement » qui consiste à collecter les ressources du Fonds mondial et une séance d'information et d'échange sur les enjeux de la 6e conférence de restitution des ressources du Fonds mondial prévue en octobre 2019. Il précise que depuis sa création, le Fonds mondial a déjà dépensé 300 millions de dollars américains pour la lutte contre ces trois épidémies au Burundi. Suivez l'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delarousse. Cette campagne, c'est la 6e reconstitution des ressources du Fonds mondial, ce fonds international qui a montré son efficacité dans la contribution à la lutte contre les trois grandes pandémies que sont le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Cette conférence de reconstitution va se tenir en France, à Lyon, en octobre cette année, et nous espérons tous qu'elle aboutisse à lever au moins 14 milliards de dollars, qui est la somme nécessaire pour que l'effort de réduction de ces trois maladies continue au rythme qui a été réalisé jusqu'à présent. Je crois que les questions de gestion du fonds seront naturellement également traitées, mais le fonds est un instrument formidablement efficace lorsque la coopération avec les autres bailleurs de fonds et avec les autorités locales se passe bien, comme c'est le cas au Burundi. Je crois que le Burundi trouvera évidemment son compte. Le Fonds mondial a dépensé 300 millions de dollars au Burundi depuis sa création et c'est un des grands acteurs de la lutte contre les trois pandémies en question. C'était l'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delarousse. L'exigence de demande d'autorisation au niveau de l'administration locale et le manque d'offres d'évaluation des projets, tels sont certains des défis qui bloquent l'avancement du Fonds national d'investissement communal, FONIC. Les responsables de services au sein du FONIC l'ont dit ce mercredi lors d'une réunion avec l'ombudsman burundais. Edouard Nduimana a promis de soumettre leurs doléances aux autorités compétentes. C'est une descente effectuée après de grognes de certains administrateurs des communes sur le travail de ce fonds, ajoute l'ombudsman burundais. Suivez-le. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, que pour effectuer une descente et parler avec l'administrateur communal, les cadres du FONIC doivent préalablement avoir une autorisation au sein du ministère de l'Intérieur, comme si c'était une ONG étrangère ou une organisation en dehors de l'organigramme public burundais. C'est une contrainte. Du moment que les communes sont les membres du conseil d'administration du FONIC, je ne vois en quoi cette interdiction d'être un interlocuteur direct avec l'administrateur communal peut vraiment aider au développement de la commune. Et une autre contrainte, c'est le manque de moyens financiers. Aujourd'hui, tous les moyens financiers sont centralisés au sein du ministère des Finances et au sein du ministère de l'Intérieur qui gèrent directement ces budgets et qui font la passation des marchés en dehors de tout contrôle du FONIC. C'est du coup ce qui exclut le FONIC de son suivi dans les communes. Et aussi, il y a une autre contrainte de mobilisation des ressources financières parce que toutes les ressources qui sont mobilisées vont directement au ministère des Finances et au ministère de l'Intérieur, alors que le décret qui régit le FONIC indique très bien que le FONIC est chargé de mobiliser au niveau interne et externe les ressources nécessaires à l'accompagnement des communes. Il y a ces contraintes d'ordre administratif et d'ordre légal. Et lorsque nous avons appris ça, nous avons informé les cadres de cette institution que nous allons porter devant l'autorité compétente pour que s'il échoue, il y ait réforme administrative et réformer les gares, et tout cela dans l'intérêt des populations que nous représentons. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h passées de 4 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, page politique à présent, actualité en bref. Les parlementaires doivent mettre en avant les projets de développement par le biais des parlementaires burundais élus au sein de la communauté est-africaine. Cela a été dit ce mercredi par la ministre à la présidence chargée des affaires de la communauté est-africaine. Dans un atelier de sensibilisation et d'information à l'intention des parlementaires, Isabelle Ndahayo lance un appel aux parlementaires burundais élu au sein de la CAE, de la communauté est-africaine, de proposer des lois qui apportent une valeur ajoutée à la population. Et dans la série de projets de société présentés par les partis politiques, aujourd'hui c'est le tour du parti libéral Abigenga qui met en avant le développement de l'agriculture pour que les Burundais aient du repas journalier suffisant puis exporté à l'étranger. Margarite Rukohoza, leader de ce parti, dit également que les enseignements scolaires sont à développer pour que les Burundais fassent une compétition internationale. Elle trouve que la politique d'emploi dépendrait des connaissances acquises. Suivez plutôt Rukohoza. Chaque Burundais est sur le sol de ses ancêtres. On doit essayer que chaque Burundais soit rassasié. Il faut que chaque Burundais se sente libre d'aller dans une école, d'apprendre ce qui peut lui être utile et utile aussi pour le pays. Parce que si on est là aujourd'hui, demain ça sera les autres. Alors il faut laisser l'exemple que la terre continue, que le Burundi avance par une île. Nous devons être à la hauteur des autres peuples, des autres nations. Parce que nous faisons partie de l'ONU, de l'UNESCO, de ceci, de cela. À ce moment-là, nous devons être à la hauteur. Si aujourd'hui je ne suis pas à la hauteur, il faut que mes petits-enfants soient à la hauteur. Parce que demain, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la compétition. Nous commençons par l'agriculture pour être en forme, pour pouvoir travailler. Après, quand vous êtes rassasié, vous allez à l'école et vous allez apprendre facilement. Après l'école, vous devez travailler pour vous-même, mais aussi pour la nation. Nous sommes dans un contexte qui ne nous laisse pas derrière, où nous devons être à la hauteur de la région, mondialisation. À ce moment-là, si tous les jeunes arrivent à comprendre que aujourd'hui, je ne dois pas rester seulement sur ma colline, chaque citoyen, chaque enfant burundais doit se sentir capable de faire ce que les autres enfants du monde font. Les jeunes doivent être conscients qu'ils sont appelés à être à la hauteur des autres nations. À ce moment-là, vous devez avancer comme les autres jeunes. Si nos enfants peuvent aller travailler à New York, il y a les gens des États-Unis qui peuvent venir faire des recherches chez nous. Il y a des gens de l'Asie qui peuvent venir faire des recherches chez nous. En même temps, nous aussi, on va envoyer nos jeunes partout. Je crois que maintenant, on ne peut pas dire seulement « j'ai fait l'économie spéciale pour le Burundi ». On va faire l'économie mais en visant que cette économie va au-delà du Burundi. Si vous appelez les jeunes à la compétition, on dirait que vous les laissez seuls. Non, on ne les laisse pas seuls, on va les accompagner. Si un jeune, par exemple, dit que je vais cultiver les aubergines, très bien, cultivez les aubergines, je vous accompagne pour voir le marché local, combien on va acheter. Mais je vais aller plus loin. Il faut que le marché extérieur arrive à ce moment-là à acheter ce que vous produisez. Nous avons des choses à vendre. Ce qui manque, c'est quoi? C'est la volonté. On doit travailler et très dur. Si vous produisez beaucoup, vous avez ce que vous mangez, mais à ce moment-là, vous commencez à stocker. L'industrie commence. Qu'est-ce qui rassure que ce projet de société serait mis en exécution? Puisque nous sommes sur le terrain, nous nous cultivons. Notre but, c'est quoi? Ce n'est pas seulement donner de bonnes idées. Nous pratiquons. Margarite Rukohoza, leader du parti libéral Abigenga, s'exprimait au micro de Elinibele Nivigira. Tant que l'on parle de l'autosuffisance alimentaire au Burundi, les prix de denrées de première nécessité ont grimpé dans différents marchés des communes de la province de Cibitoke. Le prix du haricot qui était de 1300 francs burundais est passé à 2000 francs par kilo. Le riz qui se vendait à 1400 coûte actuellement 2000 francs burundais. La population de ces communes, par crainte de famine, lancent un cri d'alarme à l'endroit des administratifs. Les commerçants indiquent de leur côté que cette flambée de prix est la conséquence de la diminution de plusieurs denrées alimentaires dans les différents points d'approvisionnement. Les administrateurs dans ces communes promettent d'organiser des réunions à l'intention de ces commerçants pour tenter de remédier à cette situation et prendre de mesures qui s'imposent. Le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage a mis en place un calendrier trimestriel des activités de protection de l'environnement tous les jeudis dans différentes localités du pays. Dans une conférence de presse de ce mardi, le ministre Deogui Derudema explique que ces activités visent à tracer les courbes anti-érosives et le dessouchage des essences absorbant beaucoup d'eau. Deogui Derudema indique qu'en mairie de Bujumbura, des pareilles activités consistent à protéger le lac Tanganyika et les rivières. Il appelle les cadres de son ministère et les administratifs de quitter leur bureau pour s'associer à la population. Suivez le ministre Deogui Derudema. Dans le souci d'harmoniser les activités, le ministère de l'Environnement, de l'agriculture et de l'élevage vient de mettre en place un programme de travaux de protection de l'environnement de tous les jeudis durant les 3 prochains mois. Ces travaux seront centrés sur le traçage des fossés anti-érosifs, le dessouchage des arbres absorbant beaucoup d'eau dans les sources, les marais et les bas-fonds. Voici le planning d'activité au niveau national dans les 3 prochains mois. Avril, traçage des fossés anti-érosifs dans 93 communes, dessouchage des arbres absorbant beaucoup d'eau dans les sources, les marais et les bas-fonds dans 78 communes, ainsi que l'entretien des plans mis en place dans 77 communes. Au mois de mai, traçage des fossés anti-érosifs dans 89 communes, dessouchage des arbres absorbant beaucoup d'eau dans les sources, des marais et des bas-fonds dans 90 communes. Au mois de juin, traçage des fossés anti-érosifs dans 82 communes, dessouchage des arbres absorbant beaucoup d'eau dans les sources, des marais et des bas-fonds dans 43 communes et mise en place des pare-feux dans 91 communes et mise en place des pépinières dans tout les communes du pays. Les courbes de niveau ont une importance capitale. En effet, les protègent la terre arable, retiennent l'eau de ruissellement, permettant ainsi à l'eau de s'infiltrer dans les sous-sols pour alimenter les nappes phréatiques. À mairie de Bujumbura, les travaux se concentreront sur la protection des lits des rivières, la zone tampon du lac Tanganyika, ainsi que l'assainissement de la ville de Bujumbura. Ainsi, nous allons évaluer l'état de mise en œuvre de ce programme tous les 3 mois. C'est dans cette optique que nous lançons un appel à la population burundaise en général, au cadre du ministère en charge de l'environnement et à l'administration en particulier, de quitter les bureaux, s'associer à la population dans les travaux de protection de l'environnement de tous les jeudis, conformément au programme établi. Je vous l'avais dit, en bref, les parlementaires doivent mettre en avant les projets de développement par le biais des parlementaires burundais élus au sein de la communauté est-africaine. Cela a été dit ce mercredi par la ministre à la présidence chargée des affaires de la communauté est-africaine lors d'un atelier de sensibilisation et d'information à l'intention des parlementaires. Isabelle Ndahayo lance un appel aux parlementaires burundais élus au sein de la communauté est-africaine de proposer des lois qui apportent une valeur ajoutée à la population. Suivez la ministre en charge des affaires de la communauté est-africaine, Isabelle Ndahayo. Nous avons déjà atteint une étape, je dirais, satisfaisante, parce que les 4 piliers de l'intégration, commençant par l'union douanière, que je dirais sa mise en œuvre est déjà effective. Et le deuxième pilier qui est le marché commun, c'est justement une étape qui complète la première. L'étape du marché commun, c'est aussi une étape qui est vraiment mise en œuvre à presque 100%. Concernant la troisième étape, qui est l'union monétaire, on a déjà entamé cette étape parce qu'on a déjà mis en place une feuille de route et le Burundi est à l'œuvre. Et au niveau de la quatrième étape, qui est la fédération politique, on a déjà entamé ce processus. D'abord, par le fait qu'on a déjà à l'étape avancée de la mise en œuvre des autres étapes. C'est vrai que dans le processus, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, les problèmes liés à la coordination de ce processus. Quand il faut d'abord passer par les différentes étapes avec l'intervention des différents acteurs, il y a aussi un autre problème qui est lié à l'information. La population n'est pas suffisamment informée. Raison pour laquelle, en passant par les parlementaires, c'est la question. Il sera facile de coordonner à la sensibilisation parce qu'ils vont nous aider à sensibiliser la population. Ils vont nous aider aussi à mettre en place le cadre légal d'arrêt le processus de législation. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h passées de 14 minutes, poursuivons ce journal. Rendons-nous dans la province de Karoussi, c'est au centre-est du pays, où les caféiculteurs de la commune Moutoumba, en province Karoussi, se lamentent qu'ils éprouvent actuellement des difficultés de vente de leur café cerise. Ils regrettent que même ceux qui parviennent à les vendre le fassent à un prix dérisoire. L'administrateur communal et le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage disent être au courant des lamentations de cette population et la tranquillisent qu'ils suivent de près cette question, indiquant qu'ils ont déjà contacté d'autres opérateurs économiques qui remplaceront une société appelée Olam qui vient de fermer ses portes. Correspondance de Blaise Pascal Carmier depuis Karoussi. Ces caféiculteurs de la province Karoussi, et en particulier celle de la commune Moutoumba, s'indignent qu'ils éprouvent des difficultés de pouvoir vendre leur café cerise actuellement en récolte. Ils indiquent que la plupart d'entre eux sont contraints de les décortiquer chez eux à la maison à l'aide des pierres. Ces caféiculteurs déplorent que même ceux qui parviennent à vendre, leur café est acheté à un prix très bas, compris entre 350 et 420 francs le kilo de cerises, expliquant que les acheteurs leur indiquent qu'une moitié est considérée classée dans la catégorie B, soit à un prix de 250 francs le kilogramme de cerises. Cela est confirmé par le représentant de l'association des caféiculteurs, qui indique que toutes ces lamentations ont été rapportées à qui de droit, parlant de l'administration communale et des responsables des associations des caféiculteurs du niveau supérieur. De même que l'administrateur communal de Moutoumba, ils affirment que ce problème actuel de vente de café cerise est dû à la fermeture des stations de lavage de la société Sonikov et que la société Olam qui en assurait l'exploitation vient de fermer ses portes. La commune Moutoumba comprenant deux de ces stations actuellement fermées. Le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement de Karoussi et l'administrateur Tarsis Wagorikunda tranquillisent ces caféiculteurs en indiquant qu'ils ont contacté de nouveaux opérateurs économiques qui ont accepté de venir acheter le café cerise dans cette commune et dans d'autres localités de toute la province de Karoussi où le besoin se fait sentir. Il signale que ces opérateurs commencent cette activité cette même semaine. Simon Wissaboa déplore que la société Olam qui achetait ce café cerise dans plusieurs localités de la province via les stations de lavage de la société Sonikov, leur a affirmé très tardivement qu'elle ne va plus acheter son café de la population de Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Parlons toujours de l'agriculture. À Bobanza, c'est 75% des cultivateurs de la province qui ont déjà terminé à payer l'engrais chimique qu'ils avaient demandé pour la saison culturelle B. La semaine passée, selon la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage dans cette province. Willy Ndaikeza, directeur à la direction provinciale de l'agriculture et l'élevage à Bobanza, informe les cultivateurs que le paiement des soldes pour cet engrais se clôture ce jeudi 11 avril et qu'aucune réclamation ne sera reçue après cette date. Revenons à Mérido Bujumbura où des femmes membres d'une association s'occupant de la culture, de l'achat et de la vente du riz apprécient le pas déjà franchi. Elles indiquent qu'actuellement elles ne demandent plus à leur conjoint de quoi nourrir les enfants car elles en sont capables grâce aux revenus tirés dans ces activités génératrices de revenus. Et les interpellent les autres femmes à intégrer les associations afin d'aider leur mari dans le développement familial. Reportage de Vestine Boutoui. Cette association, dont ces femmes sont membres, se trouve dans le quartier Bubanza, 20e avenue numéro 12 de la zone Kinama. Certaines femmes disent que pour pouvoir mettre en place la dite association, elles ont commencé d'abord à contribuer une somme d'argent par chaque personne, dépendamment de leurs moyens. Actuellement, elle confirme qu'elles sont satisfaites du pas déjà franchi car elle explique qu'elles peuvent contribuer dans le développement familial, par exemple nourrir ou scolariser leurs enfants sans le soutien de leur mari. Cependant, un des défis auxquels elles font face est la hausse des taxes alors que ces femmes ne disposent pas des grands capitaux. Ces femmes, membres de l'association s'occupant de la culture, de l'achat et de la vente du riz, appellent les autres femmes à s'intégrer dans des associations afin d'aider leurs maris dans le développement de leur famille. Merci Vestine Boutoyi. À 13h passées de 19 minutes, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mais vous retiendrez que les parlementaires doivent mettre en avant les projets de développement par le biais des députés et burundais élus au sein de la communauté est-africaine. L'appel vient de la ministre en charge des affaires de la communauté est-africaine lors d'un atelier de sensibilisation organisé par le dit ministère. Dans la rubrique des projets de partenariat politique, vous avez entendu le représentant du parti légal libéral Abigenga qui s'engage à promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Merci à la cabine technique qui assurait la technique. Pacifique Chubahiro qui était à la présentation. Je vous souhaite de continuer de suivre les émissions de la radio Isanganiro.